بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui le samedi 23 Jumad al-Oula de l'année 1444 de l'Hégire, correspondant au 17 décembre 2022. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala après cette coupure de cours pour poursuivre notre lecture des fatawa de Cheikh Al-Allama Ahmed bin Yahya Najmi, qu'Allah lui fasse miséricorde, de cette compilation qui s'appelle Al-Fatawa Al-Jaliya An Al-Manahij Al-Da'awiyya. Donc c'est une compilation de fatawa au sujet de l'manhaj al-salafi. Aujourd'hui, on essaie aussi de faire la diffusion à travers la chaîne Telegram. Je ne sais pas si ça marche ou pas. Et yani, tout est nouveau aujourd'hui pour moi. Qu'Allah nous facilite à tous. Je viens d'ouvrir la radio Mixler. Apparemment, il y a des changements ou des mises à jour qui ont été faites. C'est ce qui m'a retardé jusqu'à maintenant. Donc, si tout fonctionne bien, n'hésitez pas à envoyer un message comme quoi ça fonctionne, que ce soit sur le Mixler ou la chaîne Telegram. Voyez, aujourd'hui nous allons lire le fatwa, la 27e question qui a été posée au Cheikh, rahimahullah. Ils lui ont dit, « Ya fadilat al-Cheikh, كثير من الناس لا يتثبتون في قضية التبديع والتفسيق ويأخذون الناس بالظن وبهذا يحصل تفريق بين الأمة الإسلامية كما هو حاصل في هذا الزمن فهل من توجيه سديد حول التثبت في قضية التبديع والتفسيق والتكفير وأن يرجع في ذلك إلى علماء هذه البلاد وفقهم الله وجزاكم الله خيرا. Donc la personne demande au sujet de la vérification qui doit être faite, surtout quand ça concerne l'honneur d'un musulman, avant de l'accuser ou de le traiter de mubtadi' ou de fasiq ou de kafir. Car il y a certaines personnes qui jugent les gens avec des pensées, des choses qui ne sont pas fiables et qui ne représentent pas des arguments. Avec des on dit, ou là je pense, ou là je crois, des choses comme ça. Et à cause de cela, ces jugements qui ne sont pas basés sur les dalils, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une division dans la Ummah de l'Islam, en particulier dans les rangs des salafis. Ils ont dit, comme ça arrive à notre époque, est-ce que vous avez une recommandation juste au sujet de la vérification surtout dans les affaires de tabdir et de tafsir et de takfir. Tabdir, c'est traiter quelqu'un de mubtadi', le rendre mubtadi', donc le sortir de la sunna. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas une mince affaire. Également, de le traiter de fasiq, de dépravé, de déviant, de pervers, et de kafir. tout ça, c'est des jugements qui sont, dont les conséquences sont lourdes et au sujet desquels il est demandé la vérification et d'avoir les preuves avant de donner ces jugements-là. Et ensuite, il a dit, et que les gens doivent revenir, toujours la personne qui pose la question, les gens doivent revenir aux savants, notamment de ce pays. Wa jazakumullahu khaira. Subhanallah, yani, c'est exactement ce qui arrive encore aujourd'hui. Le même problème. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à savoir. C'est une chose extrêmement importante à savoir. Certains de nos frères qui n'ont pas connu d'autres fitnes auparavant, qui ont eu lieu dans la Umma, pensent que c'est la première fois que ça arrive avec cette fitna de Mohammed bin Hadi. Ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Regardez, c'est une question qui s'applique exactement à ce qui nous arrive aujourd'hui. On a une grande fitna, une grande division dans les rangs des salafiyines en particulier. Pourquoi ? Parce qu'il y a des jugements qui ont été adressés à des salafiyines sans preuve évidente. Et celui qui a adressé ces jugements à la base, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas présenté un seul argument qui appuie ses jugements. Un seul. Notamment quand il a accusé Cheikh Rabi' d'accepter tout ce qu'on lui dit et de le répéter sans vérification. Quand il a accusé Cheikh Ubaid, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'il ne vaut rien, il ne vaut même pas un fils. Et il a boycotté Cheikh Rabi', bien évidemment, et il a boycotté Cheikh Abdallah al-Bukhari, il l'a accusé de menteur. Donc c'est des accusations extrêmement lourdes. Chacune rend la personne, yani une personne qui n'est pas crédible, de laquelle on ne prend pas la science. Imaginez un homme de science, tout ce que tu lui dis, il le répète sans vérification. Est-ce que celui-là, on revient à lui dans quelque chose de la religion ? Bien évidemment que non. À l'unanimité des hommes de science, c'est un homme faible de qui on ne prend pas la science. Et celui qui veut vérifier cela, il n'a qu'à revenir à n'importe quel livre de Mustalah al-Hadith et de voir ce que les savants y disent par rapport à Qaboul al-Talqin. Celui qui accepte tout ce qu'on lui dit. Celui qui accepte et qui ne vérifie pas. Et comme je dis souvent, Wallahi, si ceci était vrai pour Cheikh Rabi', il l'aurait accepté de Mohammed bin Hadi le premier. Car il était un niveau de considération bien supérieur à tous ses adversaires. Et malgré ça, il a exigé de lui les arguments. Et comme par hasard, quand les autres y sont venus, il a accepté d'eux, comme ça, sur parole, sans vérification, sans exiger d'arguments. Lakin subhanallah al-fitan, ça ne vient pas avec la guidée, comme on dit salaf. Al-fitan vient avec l'égarement, et non pas avec la guidée. Sauf pour celui qui reste accroché aux hommes de science, et celui aussi qui apprend sa religion. Cette fitna a démontré que beaucoup de personnes qui se disent salafiyines, ils ne connaissent même pas les bases de la salafia. Et même parmi ceux qui se disent tullab ilm, sauf ceux qui sont des tullab ilm réellement, mais qui suivent la passion. Ils connaissent la vérité, ils ne la suivent pas. Ça, c'est une autre affaire. Amma, un talib ilm, qui ne sait pas qu'on ne doit pas accepter une accusation, même la plus petite des accusations. On ne parle pas de menteur. Menteur, c'est fini. C'est quelqu'un qui n'a plus de valeur dans la science, un menteur. Parmi les plus graves des critiques que tu puisses adresser à quelqu'un. C'est pour ça le hadith au niveau le plus bas, c'est le hadith le mawdou', dont il y a un rapporteur qui ment. Même s'il ne ment pas dans le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. On sait qu'il ne ment pas dans l'hadith, mais il ment dans ses affaires, dans ses discours, dans ses dialogues avec les gens. On ne prend plus rien de lui. Wallah musta'an. Donc c'est les mêmes fitnes qui se répètent. C'est le fitna de Falih qui a été exactement pareil. Le fitna de Mohammed ibn Hadi. C'est pour ça, si tu veux avoir des réfutations, des égarements de Mohammed ibn Hadi, t'as qu'à lire Ar-Rad de Sheikh Rabi' sur Falih. Tu trouveras toutes les réponses. Car c'est la même chose. En réalité, c'est la même chose. Accuser des gens parmi Al-Sunnah ou Al-Jama'a sans présenter de preuves, au point où Sheikh Rabi' a dit à Falih, dans Ar-Rad, il lui a dit, c'est quand que tu vas nous donner les arguments? Car il exigeait de lui les arguments, il ne les a jamais ramenés. Il est décédé cet homme, lakin jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais ramené les arguments. Jusqu'au point où Cheikh Rabi lui a dit, peut-être que ces arguments, tu vas les ramener le jour de la résurrection devant Allah. Mais dans cette dunya, tu ne vas jamais les ramener. Effectivement. Et c'est la même chose pour Mohammed ibn Hadi. Jusqu'à aujourd'hui, pas une seule preuve sur ce qu'il dit et sur ce qu'il avance. Amma que des tollab ilm ont eu une erreur ou la deux erreurs ou la trois erreurs, c'est pas toute personne qui tombe dans une erreur, on la sort de la sunna et on l'accuse de mubtadi'. Ça c'est pas vrai. On conseille. Et s'il n'accepte pas le conseil, il ne revient pas sur son erreur, après on adopte le comportement adéquat est proportionnel à la gravité de son erreur. Car il y a des choses qui sont des divergences tolérées. Il y a des choses qui ne sont pas des divergences tolérées, mais ça ne sort pas de la sunna. Il y en a qui sortent de la sunna, il y en a qui sortent de l'islam. Donc chaque chose, il y a une mesure chez Al-Sunna al-Jama'a. Il l'applique avec tout le monde. Si on n'a pas compris ça, c'est qu'on n'a pas compris Salafia. Amma que n'importe qui vient et dit, oui, un tel, il est comme ça, il est comme ça. Imagine, c'est toi qui es visé. Est-ce que tu vas l'accepter? Bien évidemment, tu ne vas pas l'accepter. Lakin, quand c'est d'autres muslimines, même parmi les meilleurs des muslimines, parmi les tollabs, les gens qui se sont consacrés à la demande de science et à sa propagation, on l'accepte facilement. Lakin, si c'était par rapport à notre personne, là, non, on l'accepte pas. Donc, on écoute la réponse de Cheikh, rahimahullah. Il a dit, « La shakka anna al-wajib ala al-insani an yatathabbata fil amr. » Il n'y a pas de doute que la personne doit vérifier et s'assurer de la véracité de cette chose-là, yani cette critique, et de sa crédibilité. لأن هذا القول أنت لا بد أن تطالب عليه ببيان أو تسأل عنه أو تسأل عنه أمام الله عز وجل. Car pour celui qui a donné ses jugements, tabdi', tafsir, takfir, forcément il sera interrogé auprès d'Allah au sujet de son jugement. Pourquoi t'as dit d'un tel que c'est un menteur? Et sans aucun doute, il sera exigé de lui une clarification. C'est pour ça, on ne doit avancer que des jugements basés sur des preuves et des certitudes, et non pas sur des conjonctures ou des pensées ou des je pense ou là je crois ou là on m'a dit. Non, Tout ça n'a pas de poids dans la balance de la science. Mais Sherila parlait d'un autre point, car certains parmi ceux qui posent ces questions-là, en général, ils n'acceptent pas les jugements des savants. C'est pour ça qu'il a dit, aussi celui qui se tait, celui-là, on dit qu'il n'a pas de position. Il ne fait partie ni de ceux qui ont critiqué, ni de ceux qui ont été critiqués. Et bien évidemment, la méthodologie de Al-Sunnah wal-Jama'a, la méthodologie de Salaf, est connue par le suivi de nos pieux prédécesseurs et de l'amour de Al-Sunnah et d'être avec eux. Donc, il n'y a pas dans l'islam, non, ça ne me concerne pas, non, je ne rentre pas. Quand c'est une question de vérité et de faux, de guider et d'égarement, ça te concerne et t'es impliqué. Tu dois connaître la vérité et la suivre. Imaginons une fitna est limitée à un seul endroit. Là, ça peut être accepté de toi que tu dises, moi, Annie, je ne suis pas touché par cette fitna, je ne rentre pas. Là, celui qui la connaît d'une manière générale et qui suit le haqq est meilleur que celui qui ne connaît pas, d'une manière générale. Là, à la limite, quand ce n'est pas dans ton pays, quand c'est encore loin, naam, on peut accepter de toi de dire que je ne connais pas, je ne suis pas rentré. Là, qu'il fitna est propagé dans ton pays. Il n'y a pas un endroit sur terre aujourd'hui où cette fitna n'est pas arrivée. Et toi encore, tu dis, non, je ne... Ou bien, tu t'exposes à des dangers de tomber dans les pièges des égarés. Avec leur embellissement de leur égarement. Si c'est jamais c'est eux qui te présentent la chose selon leur manière. Et avec leur telbis. Ou, le deuxième cas, tu as une position que tu n'oses pas montrer. C'est pour ça qu'on doit tous connaître la vérité et la suivre. Quelqu'un qui te dit, non, moi je ne rentre pas, ça ne me concerne pas, ça ne te concerne pas de suivre la vérité. Si, ça te concerne de suivre la vérité, comme ça concerne tout musulman. Après, comme je conseille à mes frères, tu as su la vérité, tu as suivi les hommes de science dans la vérité. Ne rentre pas dans les polémiques et dans la perte de temps inutile. Profite de ton temps dans l'apprentissage de ta religion. Il y en a parmi nos frères qui suivent la vérité, mais après ça devient son discours de tous les jours. Il n'a que ça comme sujet. Non, sauf s'il y a un intérêt, il y a quelqu'un qui ne connaît pas la vérité, tu lui démontres de la meilleure des façons, avec science et avec argument. Il accepte, alhamdoulilah, il n'accepte pas, tu as rempli ton devoir. Amma, que ça devient le sujet de toutes nos rencontres, on n'a que de sujet que celui-là, comme a dit notre cheikh Abdallah al-Bukhari, à certains de nos frères qui sont venus lui rendre visite, il leur a dit, cette fitna est finie. Cette fitna est très claire. La vérité est claire et évidente. Celui qui veut la suivre, il la suit. Celui qui ne veut pas, c'est son problème. Lakin, on a assez perdu de temps comme ça. Et nous aussi, on a assez perdu de temps comme ça. Consacrons-nous à l'apprentissage de notre religion. Et il t'incombe de connaître la vérité. Naam. Ensuite, Cheikh a dit, « وَهُنَاكَ أَقْوَامٌ رُبَّمَا أَنَّهُمْ يَغْتَرُّونَ بِأُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ » يُظْهِرُونَ الصَّلَاحِ وَلَكِنْ وَرَاءَ هَذَا الصَّلَاحِ أَمْرٌ خَفِيٌّ لَا يَعْرِفُهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ » Et certains, parmi les gens, ils peuvent être leurrés par des gens de l'innovation parce qu'ils montrent la piété. Il montre la piété. Mais derrière cette piété est cachée des choses que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est pour ça, si les hommes de science dignes de confiance critiquent quelqu'un, tu dois l'accepter d'eux. Ce n'est pas une condition que tu saches l'argument dans toute question. Et regarde notre situation, on ne connaît pas les arguments d'énormément de choses de notre religion, même dans les ablutions. La plupart des musulmans ne connaissent pas les arguments de ce qu'ils font dans les ablutions, dans la salade. C'est pour ça, connaître les arguments, c'est une bonne chose, dans toute chose. Lakin, ce n'est pas une condition pour accepter la vérité. Et aussi, ce n'est pas toute personne qui exige les arguments. Il y en a qui, parce qu'on n'a pas étudié Usul Fiqh, qu'on n'a pas étudié d'autres sciences, il y en a qui ont une façon très simpliste de voir la chose. Ils croient que l'argument, c'est forcément un verset dans le Coran ou un hadith dans la Sunna. Ça, c'est la base des arguments. Mais les arguments sont beaucoup plus... les catégories des arguments sont beaucoup plus nombreux que ça. L'argument, ça peut être un qiyas, ça peut être un ijma. Et il y a unanimité sur ces quatre arguments. Après, il y a d'autres arguments dans lesquels il y a des divergences, mais il y a des points dans ces arguments-là qui sont sujets de consensus entre Al-Sunnah et Al-Jama'a. Comme l'argument de Sadd al-Dhari'a, comme l'argument de l'Istishab, de l'Istislah, et ainsi de suite. La liste des arguments, les arguments sont très nombreux. Et est-ce que toute personne comprend comment tirer un argument d'un verset du Coran? Bien évidemment que la plupart des musulmans n'ont pas cette capacité, n'ont pas les outils. C'est pour ça, tu prends un ami, tu lui exposes un avis avec des arguments, selon toi, il est convaincu. Tu viens 3 heures plus tard, tu lui expliques l'avis et t'essaies de le convaincre de l'avis opposé à celui-là. En lui présentant aussi les arguments, il va te suivre dans ton deuxième argumentaire. Lakin, Allah subhanahu wa ta'ala a dressé pour ceux qui font partie de la masse et qui n'ont pas les outils de tirer les jugements directement des textes, Al-Qur'an et la Sunna, il leur a dressé des hommes de science, de confiance, dignes de confiance parmi Al-Sunna wal-Jama'a, auxquels ils se réfèrent et vers lesquels ils doivent revenir obligatoirement pour connaître la vérité. Allah Azza wa Jalla dit « Fas'alou ahla al-dhikri in kuntum la ta'lamoun » Amma, que quelqu'un qui... On ne va même pas dire qu'il est débutant dans talab al-ilm. Il n'étudie pas du tout. Et il vient et dit « Je ne suis pas d'accord avec tel savant. » Tu connais la vérité avec les arguments, ça, c'est un mérite et c'est demandé. Tu ne la connais pas, tu reviens aux hommes de science de confiance. Et si les savants, ils mettent en garde, les savants parmi Al-Sunna wal-Jama'a, ils mettent en garde contre une personne qui n'est pas connue par la Sunna, ça te suffit. Lakin, s'ils mettent en garde contre un salafi qui est connu pour être un salafi, là le jugement est différent. Car là, on a une opposition entre deux avis. Quelqu'un qui a fait ses éloges et un autre qui l'a critiqué. Comment on doit agir dans cette situation? La première situation, une critique vis-à-vis de quelqu'un qui n'est pas connu par un ta'dil. Là, on accepte directement. Et si tu veux les arguments, tu les demandes au savant. Il va te donner les arguments, car les hommes de science ne parlent pas sans arguments. Si tu es capable de comprendre les arguments, tu demandes les arguments. Lakin, t'accepte directement. Car, comme ont dit les savants du hadith, si tu rejettes la parole du savant qui est digne de confiance, tu la rejettes, c'est que tu l'as accusé dans son intégrité. T'as mis en cause sa crédibilité. Là, si t'as une preuve plus forte que ce que lui dit, ça c'est différent. Le deuxième cas, c'est quand cette critique est adressée à quelqu'un parmi Ahl Sunnah wal Jama'a, quelqu'un qui a été mu'addal, quelqu'un qui est une tazkiya, qui est connu parmi les hommes de science pour être un salafi. Alors là, tu dois forcément amener les preuves. Tu dois citer les preuves sur lesquelles tu t'es appuyé. Car lui, il fait ses éloges et toi, tu fais sa critique. Il faut présenter tes preuves. Sinon, ça donnera ce que Cheikh a dit au début, ça donnera une division entre Ahl-Sunnah wal Jama'a. Il y en a qui vont te suivre par passion ou pour l'admiration qu'ils ont pour toi et la considération qu'ils ont pour toi, et d'autres ne vont pas te suivre. Pour épargner la Ummah de cette division, tu dois obligatoirement présenter les arguments. Ensuite, Cheikh a détaillé un point qui concerne le Khawarij, on va le passer. On passe à la question suivante. Il dit Inna ba'd al-mashayikh la yaruddun ar-rudud 'ala ahli al-bid'ah wa yaqulun innaha laysat min manhaj as-salaf wa inna al-muslimina kulluhum yashhaduna an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. فكلهم إخوة ولا يجوز أن يرد بعضهم على بعض وأنهم على منهج واحد فنرجو من فضيلتكم تفنيد هذه الشبهة بالدليل لئلا تنطلي على بعض قليل العلم من طلبة العلم. Donc il lui dit à Cheikh, certains parmi les chouyoukh disent qu'on ne doit pas faire de réfutation de radd contre les gens de l'innovation. Et ils disent que cela ne fait pas partie de manhaj al-salaf salih. Ça ne fait pas partie de manhaj al-salafi. Et que tous les musulmans attestent qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée excepté Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Ils sont tous des frères. Il n'est pas autorisé que les uns parmi eux réfutent les autres et ils sont tous sur la même voie. Il a demandé au cheikh de dissiper cette ambiguïté avec les preuves afin qu'elle ne soit pas la cause de l'égarement de certains parmi ceux qui demandent la science qui sont très débutants. Amma celui qui a la science, c'est tellement clair et évident que ça, c'est des paroles qui n'ont aucun fondement. La réponse de Cheikh, rahimahullah, il a dit « Inna hadha al-qawla qawlun khati'un » Cette parole est une parole erronée, fausse, caduque, à laquelle on ne doit pas prêter attention. Au contraire, c'est un devoir pour les hommes de science de réfuter celui qui dévie de la méthode légiférée. Et en particulier, surtout quand cette divergence a lieu dans les questions de l'aqida, du dogme, de la croyance. Le devoir des hommes de science de clarifier cela et de réfuter ces ambiguïtés sur lesquelles il s'est basé et de réformer, de corriger la compréhension erronée de cet homme. De donner la vraie compréhension, la bonne compréhension. Le devoir de celui qui sait, celui qui a la science, est de clarifier et de montrer à celui qui n'a pas la science. Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Donc, ou bien tu sais, avec science, tu suis la science que t'as. Tu ne sais pas, Tu dis pas, ça me concerne pas, non, je rentre pas. Tu sais pas, tu demandes aux hommes de science. Et surtout quand le phénomène ou la fitna ou la cette chose est répandue là où tu vis. فذلك الرجل الذي أصابه جرح وهم في سرية وكانوا في ليال باردة فاحتلم فسأل أصحابه. Donc ensuite, Cheikh, il a cité l'histoire de ce compagnon qui a été blessé lors d'une conquête dans laquelle il n'y avait pas le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam a envoyé des compagnons en mission et lors d'une nuit où il faisait très très froid, un homme parmi ceux qui ont été envoyés a fait ce qu'on appelle ihtilam. Ils disent un rêve érotique. Il a fait un ihtilam. Dans l'ihtilam, entre parenthèses, l'ihtilam, il est de deux catégories. Il y a un ihtilam qui est provoqué par shaitan. Et un ihtilam qui n'est pas provoqué par shaitan. Celui qui est provoqué par shaitan, il est accompagné d'images et si c'est un homme ou une femme, il voit qu'il est dans des rapports avec d'autres femmes ou là, des choses comme ça. Et celui qui n'est pas provoqué par shaitan, il ne voit rien. Mais juste, il a une jouissance. Mais il ne voit rien dans son rêve. La première catégorie n'arrivait jamais au prophète alayhi salatu wassalam. Et la deuxième, elle lui arrivait. Donc cet homme a fait un ihtilam. Ils se sont posé la question entre eux, est-ce qu'il a une excuse pour ne pas faire le ghusl? Ils ont dit non. Certains ont dit non. Il doit faire le ghusl. Faire le ghusl, c'est-à-dire avec l'eau. Dans une nuit, il fait extrêmement froid. Et effectivement, il a fait le ghusl après cette fatwa. Et il en est mort de ce ghusl. Le prophète sallam a dit, quand il a su cela, il a dit, « Qataluhu, qatalahum Allah. » Ils l'ont tué, qu'Allah les tue. هَلَّا سَأَلُوا إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا. Pourquoi ils n'ont pas posé la question quand ils n'ont pas su? فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيِّ السُّؤَالِ. Car le remède de l'ignorance, c'est la question. إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةِ. Il lui suffisait de mettre une bande sur sa blessure. Ce hadith a été authentifié par Cheikh Al-Albani sans qu'il lui suffisait de mettre une bande. En réalité, ce qui est juste, ce rajout est faible. Lakin, le début du hadith et l'histoire est authentique. Et ce qui est authentique pour un homme dans une situation similaire, c'est de faire tayammum. Celui qui ne peut pas faire le ghusl, il passe au tayammum. Le rajout a été jugé faible par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Donc, on lui a donné une réponse sans science. Nabi alayhi salam, il les a décrits en disant « Qataluhu qatalahum Allah ». Ils l'ont tué. C'est à cause d'eux qu'il est mort. Et on déduit de cela que celui qui n'a pas de science, la science c'est quand tu sais avec certitude. La science c'est pas « je pense avoir entendu, Cheikh Ibn Baz, je pense avoir entendu, je crois que j'ai lu dans le livre ». Non, ça c'est pas une science. La science, c'est quand tu sais avec certitude. Même pour transmettre le jugement d'un savant sur une question, il y a des conditions qui sont requises. Ça, c'est pas pour tout le monde. C'est pas tu vas sur Internet et tu... Est-ce que cette réponse correspond à ta situation? Est-ce qu'elle correspond à ta question de tous les points de vue? Peut-être qu'il y a un élément en plus dans ta question qui change totalement la réponse. C'est pour ça qu'on doit toujours revenir aux hommes de science. Ensuite, chéri dit, Allah subhanahu wa ta'ala s'est chargé lui-même de réfuter les gens du faux dans le Coran. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, également les a réfutés à travers ce qui lui a été révélé. Et les compagnons également ont réfuté. Les tabi'in également. Et ainsi de suite, génération après génération. Il n'a cessé d'avoir des réfutations de ceux qui se sont écartés du livre d'Allah et de la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam, avec la bonne compréhension qui est la compréhension des compagnons, radiyallahu anhum. Et yani, l'imam Malik, il a fait des réfutations sur les gens de l'Qadr. L'imam Ahmad, il a énormément de réfutations sur le Jahmiya, sur يعني الرد على الجهمية et d'autres زيغاري. Et les livres à ce sujet sont tellement nombreux. L'imam Ibn Khuzaymah également, l'imam Darimi, Uthman Ibn Sa'id al-Darimi, qui a réfuté Bishr al-Marisi et d'autres, et ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose de très connu. L'Hérodote de Salaf sur ceux qui s'écartent de la Sunna. Et jusqu'à notre époque, jusqu'à en passant par Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, donc tous ces élèves, les savants de la Da'wa Najdiya, tous ils ont réfuté les erreurs. Même l'erreur, on peut réfuter l'erreur de quelqu'un parmi Al-Sunna. Ce n'est pas une condition qu'il soit un mubtadi' pour le réfuter. Même un savant salafi, il se trompe dans une question, on montre la vérité dans cette question. Lakin, on garde l'estime pour lui et le respect pour lui, car personne n'est à l'abri de l'erreur. Et le savant salafi, quand il apprend son erreur, il revient aussitôt. Amma al-mubtadi', on le réfute et il n'y a pas d'estime, il n'y a pas de considération. نرد عليه ولا كرامة أما أهل السنة فنحفظ كرامتهم. Donc celui qui dit, qui avance ses propos qui ont été cités dans la question, ou bien c'est un ignorant qui est leurré, ou c'est quelqu'un qui ruse pour égarer les jeunes salafis. La 29e question, Cheikh Rahimahullah est interrogé au sujet, il a dit, قول من قال بأن من رد على أهل البدع يعتبر مجاهدا في سبيل الله هل هذا الكلام صحيح أم ليس له من الصحة شيء. Celui qui dit que réfuter les gens de l'innovation fait partie du combat dans le sentier d'Allah, fait partie du djihad. Est-ce que ça c'est vrai ou ça n'a aucun fondement? La réponse de Cheikh. Oui, celui qui réfute les gens de l'innovation, il n'y a pas de doute qu'il combat dans le sentier d'Allah. L'imam Ahmad, quand on lui a dit, l'homme qui jeûne et qui fait salat et qui donne l'aumône et qui fait la retraite spirituelle et qui fait le bien d'une manière générale, est-ce qu'il est meilleur ou celui qui réfute les innovateurs? Lequel des deux a le plus de mérite? Il a dit, celui qui fait salat et qui vit jeûne et qui fait donne l'aumône, qui fait l'itikaf, ça c'est pour lui seul. Mais celui qui réfute les innovateurs, c'est pour les gens, pour lui et pour les gens. Donc ça, c'est un bien pour sa propre personne et pour autrui, contrairement au premier, qui est aussi dans le bien. Mais le deuxième est meilleur que lui. Donc il n'y a pas de doute que celui qui réfute les innovateurs est meilleur. Et les paroles des savants de Salaf à ce sujet sont très très nombreuses. Là, qu'il y a écho, fin de la parole de Cheikh. Réfuter, c'est pas donné pour tout le monde. Réfuter, c'est avec science et avec équité. Tu ne dois pas attribuer. L'équité, c'est pas citer ses qualités et ses défauts en même temps. Ça, c'est un égarement, ce qu'ils appellent muazanat. Quand tu réfutes une personne, tu ne cites pas une seule de ses qualités. Tu cites seulement l'erreur et tu la réfutes avec les arguments du livre d'Allah et la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam. Et si tu cites les paroles des savants, c'est bien aussi. Donc, l'équité envers celui que tu réfutes, c'est de ne pas lui attribuer que les choses qu'il a dit ou qu'il a écrit. Et t'as les preuves que ce sont ses propos. C'est pour ça, j'ai vu de notre cheikh Abdullah al-Bukhari, Hafidhahullah, plusieurs fois des frères viennent le voir et lui disent, un tel, il a dit, il a fait. Il leur dit, ramenez-moi des choses qui prouvent qu'il a dit ça. Et après, je vous donne, je réfute. Amassant cela, non. Et des fois, la personne, elle a mal compris. Ou des fois, l'autre personne s'est mal exprimée. Donc, il faut s'assurer, avant de faire rad, que c'est bien les propos d'un tel. Ou ce qu'il a écrit dans ses livres. Et que c'est une erreur. Effectivement, pas une erreur dans ta compréhension. Et quand tu le refutes, tu ne lui attribues pas des choses qu'il n'a pas dit. Ou qui t'ont été rapportées de sources qui n'est pas sûres. Donc la réfutation doit être faite avec science et par celui qui est habilité à le faire. C'est pas la porte ouverte à tout le monde, comme on peut le voir à notre époque. La réfutation, c'est pour celui qui a réuni les outils de la réfutation. C'est pas une condition de devenir Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah pour réfuter un égarement. Lakin, faut avoir les outils pour le réfuter. T'as pas les outils, tu fais parvenir cette erreur aux hommes de science pour la réfuter. Et ça te suffit. Ou tu veux forcément que ton nom apparaît dans la réfutation? Non. T'as la capacité de faire la réfutation, la capacité scientifique. Fais-le. Et même si t'as la capacité, tu peux faire parvenir ça aux hommes de science et c'est eux qui réfutent, c'est meilleur. De toute façon. Car les gens, ils vont accepter plus facilement des savants quand ils réfutent que de toi, qui est un étudiant qui n'a pas encore mûri dans la science. Lakin, les savants précisent que ce n'est pas une condition de devenir un savant pour réfuter. Mais tout le monde doit réfuter avec science. Amma al-jahil, il n'a rien à réfuter. طيب لا 30e question هل الرد على المستتر والمجاهر بالمعصيه وصاحب البدعه سواء ام لكل واحد منهما ما يناسبه وعلى حسب ما عليه افتونا جزاكم الله خيرا. Il dit, est-ce qu'on réfute de la même manière celui qui commet un péché en cachette, il se cache, il se couvre, et celui qui le fait publiquement, et l'innovateur? Est-ce que ces trois catégories, on les réfute de la même manière? La réponse, al-mustatir wal-mujahir, hadha yuqalu fil-'asi. Lakinna sahib al-bid'ah, يرى أنه على حق وأنه في عمل خير فهو دائما يجاهر. Donc celui qui se cache, qui se couvre, ça concerne le pécheur, celui qui fait les péchés, et celui qui les fait en public, contrairement à l'innovateur. L'innovateur, il voit qu'il est dans la vérité. L'innovateur, il voit qu'il est dans la vérité. C'est pour ça qu'il ne se cache pas quand il fait son innovation. Il montre son innovation. Même il pense qu'il est meilleur que Salaf, car lui, il a fait une adoration que Salaf n'ont pas fait. Et l'innovation, bien évidemment, n'a lieu que dans les adorations. Il n'y a pas d'innovation dans le dunya. L'innovation, c'est dans la religion. C'est une adoration qui n'a pas été légiférée par le prophète, alayhi salatu wassalam, et qui n'a pas été pratiquée par ses nobles compagnons. C'est pour ça, toute adoration qui n'a pas été pratiquée par les compagnons, délaisse-la, ça ne te rapproche pas d'Allah, ça t'éloigne d'Allah. Comme a dit Hudhayfa radiyallahu anhu, « Kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Muhammadin » sallallahu alayhi wa sallam, fala ta'abbadouha. Donc l'innovateur, il ne se cache pas. Il fait son innovation en public, car il pense être dans le bien. Sauf quand il y a quelqu'un qui soutient cet innovateur, mais qui ne le montre pas. Celui-là, son cas dépend de plusieurs paramètres. Quelqu'un qui soutient un innovateur et qui ne montre pas ça publiquement, le comportement à avoir avec lui n'est pas le même. Ensuite, Cheikh, il a dit, « Illa anna mubtadi'ata zamanina yatasattaruna ala aqidati al-khawarij » وَيُظْهِرُونَ لِلنَّاسِ أَنَّهُمْ لَا يَعْتَقِدُونَ ذَلِكَ وَهُمْ كَاذِبُونَ. Il a dit, par contre, les innovateurs de notre époque, ils cachent la croyance des khawarij. Et ils ne la montrent pas aux gens. Au contraire, ils leur montrent qu'ils n'ont pas cette croyance, la croyance de khawarij. Et c'est des menteurs. Parce qu'ils savent, s'ils montrent cette croyance, les gens vont les délaisser. Ils cachent cela et ils propagent leur venin petit à petit. Ils commencent par enseigner les livres de la Sunna, les Mutun, Thalathat al-Usul, Kitab al-Tawhid, Kashf al-Shubuhat. Et quand ils forment un nombre conséquent de suiveurs et d'étudiants, là ils commencent à propager leur venin. C'est pour ça que Salaf, ils ont dit, quand ils mettaient en garde, il disait, si l'innovateur, il propage son venin dès le début de ses assises, tout le monde serait en garde contre lui. Mais il commence par ce qui est conforme à la sunna, jusqu'à gagner ta confiance, ensuite il propage son venin. C'est pour ça, reviens au savant. De qui tu prends la science? Non, ni comme certains de nos frères naïfs, ils disent, non, je l'ai écouté, j'ai écouté son cours et j'ai pas vu d'erreur. Toi, t'es qui pour voir l'erreur? L'erreur, elle n'est pas détectée par tout le monde. Pour détecter les erreurs, il faut connaître la vérité. D'une manière détaillée. Il y a des erreurs qui sont plus évidentes que d'autres, naam. Lakin, ne crois pas que l'innovateur, il va te donner quelque chose qui s'oppose au livre d'Allah dès le début. Il va commencer petit à petit, jusqu'à gagner ta confiance, et là, il sort son venin, et malheureusement, après, c'est difficile de revenir, même pour ses suiveurs. Il n'y a qu'à voir cette fitna. Regarde comment l'égarement de Mohammed ibn Hadi est évident, et malgré ça, la plupart d'entre eux ne reviennent pas. Le shaitan, il lui fait voir une faiblesse de délaisser cette position. Et que les gens ils vont dire de lui ça et ça et ça. Il ne voit pas ce qu'il attend auprès d'Allah. Wallah, il vaut mieux que les gens disent du mal de toi dans le dunya que de rencontrer Allah avec un égarement avec une insistance sur l'égarement. Et en plus, c'est pas vrai. C'est pas un défaut d'être dans un égarement et de revenir. Le défaut, c'est de persister dans l'égarement. Comme à quelqu'un qui a été induit en erreur ou là, qui a suivi même sa passion. Prenons le pire des cas. Il a suivi sa passion. Et après, il est revenu. Alhamdulillah, c'est parmi nos frères qu'on aime et qu'on respecte. Et qui est à l'abri de l'erreur? Mais de continuer dans l'égarement, c'est ça qui n'est pas toléré. La question suivante, il lui dit: « Ma dawruna nahnu talabatul ilmi tujaha ikhwanina min ash-shabab alladhina ibtada'u as-sayra ma'a al-ahzab allati asharta ilayha fi ba'd kutubika wa durusika al-maktubati minha wal masmu'a wa hal lakum min tawjihin sadid hawla hadha al-mawdu' walladhi huwa jadir bil 'inayati wal ihtimam wa jazakum Allahu khayra. » Il demande: quel est notre devoir, nous les étudiants en sciences, envers nos frères jeunes qui ont commencé avec des sectes, avec des hizbi, comme ceux que tu as indiqués, comme le hizbiin que tu as mentionné dans tes livres et dans tes cours. Ils ont commencé avec eux. Dès qu'ils ont commencé à revenir vers la religion, ils ont trouvé ces gens-là, ces hizbiin, les premiers qui les ont accueillis. Donc, ils ont commencé avec eux. Quel est notre devoir à nous, les étudiants en sciences, salafis, vis-à-vis de ces jeunes-là? Est-ce que vous avez une recommandation à ce sujet-là qui mérite qu'on lui accorde la plus grande attention pour son importance? Wa jazakumullahu khair. La réponse. Je dis le devoir des étudiants en sciences qui se cramponnent au manhaj salafi, par rapport à ce point, doit être immense. Leur devoir est immense. Leur effort doit être très grand dans ce domaine. Tantôt avec da'wah. Avec da'wa vers le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, en appelant les gens à la vérité, au manhaj salafi, qui est le manhaj du messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Et tantôt, en montrant les erreurs dans lesquelles sont tombés ceux qui suivent ces nouvelles voies, ces nouvelles méthodologies innovées et inventées. Et tantôt, ça peut se faire avec l'écriture de livres. Et également en faisant des cours, des conférences, des allocutions dans lesquelles on montre al-manhaj al-salafi. Ça peut se faire également avec le conseil entre toi et lui ou le conseil en public. Chaque chose à sa place. Tout ça doit être fait. Tout ça incombe à ceux à qui Allah a permis d'être sur la voie salafi. En espérant qu'Allah les sauve de cet égarement. Et en espérant qu'Allah sauve par leur cause ceux qui cherchent la vérité. Et de revenir et de délaisser ces hizbi. Et également, il faut savoir que nous, quand on fait les causes, on remplit notre devoir vis-à-vis d'eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé des gens de cette ville qui pêchaient le samedi, qui se sont divisés en trois catégories. La première catégorie qui ont rusé pour pêcher. Allah leur a interdit de pêcher le samedi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tendu des filets de pêche le vendredi. Donc, ça, c'est la première catégorie, c'est ceux qui sont tombés dans le péché, clairement, avec cette ruse. Ils ont fait des filets, et dans d'autres versions, ils ont fait des fossés pour garder l'eau et le poisson. Et ils viennent le dimanche pour récupérer le poisson. Ça, c'est une ruse. Et ils ont dit, nous, on n'a pas pêché le samedi, on a pêché le dimanche. Donc ça, c'était une ruse de leur part. Et la deuxième catégorie de ces gens-là, les ont blâmés. Ils ont blâmé leur acte. Ils ont blâmé leur ruse. Et la troisième catégorie, ceux qui se sont tus. Ils n'ont pas blâmé, mais ils n'ont pas approuvé. Et ils n'ont pas participé non plus. Quand le châtiment d'Allah est descendu, il a englobé les deux catégories, ceux qui ont fait et ceux qui se sont tus. Il n'a été sauvé de ce châtiment que ceux qui ont blâmé le mal. Donc c'est un devoir de blâmer le mal quand on le voit et quand on a les conditions pour le blâmer. Il dit, Cheikh, إذن فيجب على طلاب العلم أصحاب المعرفة. Donc c'est un devoir pour les étudiants en science qui ont la science. Regardez comment il précise, qui ont la science, pas tout le monde. Pas toute personne qui a commencé à apprendre quelques mois ou là quelques années, c'est bon, il devient celui qui réfute tous les égarements. Ceux qui ont connu le manhaj salafi et qui ont connu les erreurs des autres manhaj également. Donc connaître la vérité et connaître l'égarement. Cela, c'est un devoir pour eux de montrer et de réfuter et de faire de donner des cours et des allocutions, d'écrire des livres, chacun selon sa capacité et selon les situations. Par contre, ceux qui se taisent et qui ne montrent pas la vérité aux gens, ceux-là ne seront pas excusés avec leur silence. Et s'ils disent, nous ne sommes pas avec eux, malgré cela, ils ne seront pas excusés. Même s'ils disent, on n'est pas avec ces sectes égarées, ces sectes déviantes, on n'est pas avec eux. Mais ils ne blâment pas leur égarement. Ça ne suffit pas. Sauf s'il y a une partie de Al-Sunnah qui a blâmé suffisamment et que ce blâme a rempli le devoir. C'est pas parce qu'un savant ou la deux ont blâmé que c'est bon, c'est plus obligatoire pour les autres. Ça reste obligatoire jusqu'à ce que le blâme est suffisant pour réfuter le mal. Et malheureusement, c'est ce qui arrive des fois. Quelques savants réfutent et les autres, ils disent rien. Ce qui fait que, parmi ceux qui suivent le Hawa, qui suivent les passions, ils disent pourquoi Cheikh Antel n'a pas parlé? Pourquoi il y a toujours que ces 2, 3, 4 savants qui parlent? Et ça crée des fitnes. C'est pour ça, les savants, comme dans Usul Fiqh, quand t'étudies Usul Fiqh, t'étudies Fard al-Kifaya. Il faut qu'il y ait une partie de la Ummah suffisante qui remplit ce devoir pour qu'il ne devienne plus obligatoire pour les autres. Et des fois, un ou deux n'est pas suffisant. Voilà, on va s'arrêter sur cette question et on poursuit bi'idhnillahi ta'ala la semaine prochaine. Hada wallahu a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا et on se retrouvera inshallah tout à l'heure pour le cours sur les adorations du cœur. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.